L'imam Ibn al-Qayyim a terminé en citant les fruits, les bons fruits, les fruits délicieux de cette adoration du cœur qui est l'espoir. Parmi les premiers fruits qu'il a cités, c'est de montrer la servilité et l'adoration et la dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu as besoin de lui plus que tout autre besoin. Et que t'espères sa miséricorde et sa bienfaisance, et que tu ne peux te passer de lui, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Aussi, parmi les bons fruits de l'adoration de l'espoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala aime que ses serviteurs l'espèrent et lui demandent de ses bienfaits. Allah aime que tu lui demandes de ses bienfaits et de ses faveurs. Car il est le roi suprême, il est le généreux par excellence. Et même chez les créatures, l'homme généreux aime qu'on lui demande. Alors que dire du généreux par excellence? L'homme généreux, quand tu lui demandes, il se réjouit de te donner. Car il aime donner. Mais malgré ça, ça arrive à des niveaux, ça a des limites chez la créature. C'est pour ça, le fils de Adam, si tu lui demandes, il se met en colère. Et s'il ne se met pas en colère à la première fois, il arrivera un jour où tu vas le lasser par tes demandes. Imagine, tu lui demandes 3 fois par jour. Si c'est un homme très généreux, peut-être au bout d'une semaine, il va te dire on arrête. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu lui demandes, plus il t'aimera. Plus tu lui demandes, plus il t'aimera. Allahu Akbar. C'est lui qui mérite d'être adoré. Il n'a pas de semblable dans ses créatures. Subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith, qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani, celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui. Man lam yas'al Allah يغضب عليه. Celui qui ne demande pas à Allah, Allah se mettra en colère contre lui. Et celui qui demande, il espère. Car dans la demande, il y a un espoir il y a un espoir de l'obtention de ta demande. Celui qui n'espère pas Allah et qui lui demande pas, Allah se met en colère contre lui. Le troisième fruit, c'est que l'espoir est comme un appel qui t'invite à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui rend cette marche vers Allah, il la rend bonne et agréable, comme on a vu. Il t'incite à la persévérance sur cette voie. S'il n'y avait pas d'espoir, personne ne serait allé vers Allah subhanahu wa ta'ala avec son adoration. Car la peur à elle seule ne suffit pas pour motiver le serviteur vers l'adoration et vers les actes. Ce qui est la force motrice pour lui dans les adorations et dans les actes, c'est l'amour d'Allah. La peur, elle l'inquiète dans ses actes. La peur l'inquiète. Cette peur d'Allah, ça lui permet de rester toujours vigilant. Et l'espoir, c'est lui qui le conduit dans ce chemin d'une manière agréable. Le quatrième fruit, c'est que l'espoir est la grande porte de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car plus t'espères Allah et plus tu lui demandes, plus il va te donner. Et plus il va te donner, plus tu vas l'aimer. Et plus tu vas lui être reconnaissant et satisfait de lui. Également l'espoir, il t'ouvre la porte des plus hauts degrés et stations de la foi. Comme la station de shukr, le remerciement que nous allons voir inshallah. le remerciement qui est la pulpe de l'adoration d'Allah. Quand tu obtiens ce que tu demandes à Allah et qu'Allah te permet de voir qu'il t'a exaucé, tu deviendras reconnaissant. Également, l'espoir ouvre pour le serviteur la porte de la science et de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs, et de s'attacher au nom d'Allah et à ses attributs. Car l'espoir est dans l'espoir, il y a un attachement au nom de la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les noms d'Allah dans lesquels il y a l'essence de la bienfaisance. Donc, tu adores Allah avec ses noms et tu l'invoques avec. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le avec. De la même manière que la peur, ça t'attache, la peur d'Allah, te donne un attachement au nom d'Allah dans lesquels il y a la force, la toute-puissance, l'omnipotence, la domination. Ces noms-là, le dominant, l'omnipotent, le tout-puissant, le fort par excellence. Donc l'espoir, il t'ouvre la porte des noms d'Allah dans l'essence et la bienfaisance, comme le généreux, le doux, le clément, l'indulgent, le bon, et ainsi de suite. Al-Mahabba, l'amour d'Allah, est inséparable de son espoir, comme on a vu. Plus tu aimes Allah, plus tu vas l'espérer. Et aussi, inversement, plus tu espères Allah, plus tu vas le lui demander, et plus tu vas l'aimer pour ses faveurs sur toi. Donc, chacun renforce l'autre. Chacun, si on veut, on peut dire chacun se nourrit de l'autre. L'amour augmente l'espoir et l'espoir augmente l'amour. Également, la crainte d'Allah implique l'espérer. Donc, voyez le lien entre ces trois adorations du cœur. Plus tu crains Allah, plus tu vas l'espérer. Et plus tu l'espères, plus tu vas le craindre. Car toute personne qui espère Allah, le craint. Et toute personne qui craint Allah, il l'espère. C'est pour ça dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le terme espoir à la place du terme peur. Il a dit, « Ma lakum la tarjouna lillahi waqara » Allahu Akbar. Écoutez bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Ma lakum la tarjouna lillahi waqara » Le sens, dans autre que le Coran, « Ma lakum la takhafouna Allah »« Ma lakum la takhafouna Allah » Comme a dit l'imam ibn al-Qayyim, « Ma lakum la takhafouna lillahi azama » Donc, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ma lakum la tarjouna lillahi waqara » Pourquoi donc ne témoignez-vous à Allah aucune vénération digne de ce nom ? Yani tarjoun, espérez. Pourquoi ? Ici ils ont traduit comme vous constatez avec le sens. Pourquoi vous ne témoignez pas à Allah aucune vénération ? Mais en arabe, « Ma lakum la tarjoun » Pourquoi donc vous n'espérez pas accorder à Allah la vénération dont il est digne? Mais le sens, c'est pourquoi vous ne craignez pas Allah en lui donnant la vénération dont il est digne. Car Ar-Raja peut être utilisé dans le sens de la peur. C'est comme ça, en dit certains savants. Mais la vue juste, qu'a cité l'imam Ibn al-Qayyim, c'est que le raja, c'est pas la même chose que la peur et la crainte. Mais le raja, c'est une conséquence de la peur. Et la peur, c'est une conséquence de le raja, de l'espoir. Plus tu as peur d'Allah, plus tu vas espérer son pardon et sa miséricorde. Et plus tu l'espères, plus tu vas craindre être éloigné de lui, être écarté et être privé de sa proximité. Le neuvième point qu'il a cité, rahimallah, comme on a vu, le serviteur, quand il s'attache à Allah subhanahu wa ta'ala et son cœur est rempli d'espoir d'Allah, Allah lui donne ce qu'il espère. Et quand Allah il te donne ce que tu lui demandes, ça sera plus aimé à ton cœur que d'avoir des choses que tu n'as pas demandé. Car quand tu obtiens ce que tu demandes et ce que tu espères, c'est pas comme obtenir des choses que tu n'as jamais espérées. Donc, ça va te faire aimer encore plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les fruits de Raja, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour son serviteur de compléter ses degrés de la foi. L'humilité, la soumission, la confiance, la demande d'aide, la peur, l'espoir, la patience, le remerciement, la reconnaissance, la satisfaction, le retour vers Allah, le repentir. Allah, il veut pour son serviteur de compléter ses degrés de la foi et de les atteindre. C'est pour ça, il l'éprouve avec le péché, afin de faire tawbah. Il l'éprouve avec ni'ma, afin de faire l'adoration de shukr et de la reconnaissance. Et ainsi, pour l'espoir et la peur. Le dernier point qu'il a cité, c'est que l'espoir, celui qui espère, en réalité, il est dans une attente. Il est dans une attente de la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui va faire que son cœur s'attachera à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui va être dirigé, orienté vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il n'y avait que ça, comme fruit dans l'adoration de l'espoir, ça aurait suffi. Avec ton espoir, ton cœur s'attache à Allah et se dirige vers lui et devient dans l'attente de ses faveurs et de ses ni'am. Il ne sait qu'il ne peut lui accorder cela que Allah, le seul qui doit être espéré, le seul qui mérite d'être espéré, subhanahu wa ta'ala.